car cette vie, tu ne l'aimes pas. Tu n'as jamais été vraiment là. On ne retiendra rien de toi. Tu n'as jamais été vraiment là. Alors tu dois en finir. Tu dois en finir. Tu dois.